사랑 나길래 c'est plus fort que moi. Je ressens le vide, la fin d'une histoire. Mon visage se vide. Et puis de toute façon, je n'ai plus le temps. La vie est si courte, alors profitons-en. Thank you. On reste sur le même rythme. Je suis malade, je suis enrhumé. Un petit bronchite. Oh, c'est joli ça. J'ai appelé sommeil courté, perds le contrôle. Comme ça c'est bien, faudrait juste coucher un point d'heure, sommeil écourté, je perds le contrôle de ma destinée. Coucher à point d'heure, sommeil courté, je perds le contrôle de ma destinée. La vie qui s'écoule dans le creux de ma main, mon esprit s'égare, j'ai peur du lendemain. Je vote. BPM. Faire quoi ? Ah, il faut recommencer. 90. 90 ? Nous sommes à 90. Too slow for Gerald. Trop for Luigi. J'ai besoin de croire. Moi j'ai mal à la gorge. Couché à point d'heure, sommeil écourté, je perds le contrôle de ma destinée. La vie qui s'écoule dans le creux de ma main, mon esprit s'égare, peur du lendemain. Je veux penser qu'à ce jour présent, ne plus réfléchir. Juste un instant, c'est plus fort que moi. Je ressens le vide, la fin d'une histoire. histoire, mon visage chéride. Couché à point d'heure, sommeil écourté. J'ai pas tempo sur le truc, merde. J'ai zappé le. Coucher à point d'heure. Ah. Je te la fais sur n'importe quelle mélodie. Et vite, parce que j'ai la gorge qui va exploser. Demande un docteur. Ne fais pas tomber ma guitare, s'il te plaît. Fais attention avec tes petits pieds. Trois, quatre. Il faut suivre le tempo ou je suis le piano? On est à 90. Je crois que... One, two, three, four. Non. J'ai la pointe de sommeil écouté. Je vous présente mes musiciens. Au piano. Au piano, il s'appelle comment? On va les faire jouer, les musiciens. Parce que... Au piano, Luigi. Ma che, c'est le piano, c'est Luigi. Attention, j'y vais. Allez. On part à 1. Yes. Attention. Go. Ah, faut partir à 1. Bon, moi je pars tout seul, tant pis. 2, 3, 4. Couché à point d'heure, sommeil écourté. Je perds le contrôle de ma destinée. Ah, bah vous êtes pas venus derrière. 1, 2, 3. Hey Luigi! Hey Luigi! Plus piano! Allez! On dirait du rap. Couché à point d'heure, sommeil courté. Hey Luigi! T'as pas un piano? Piano électrique. Ne fais pas tomber ma guitare, s'il te plaît. Numéro 2. Non, parce qu'il est... Ah, ces enfants. S'il te plaît. Wax on fire. Oula, ça commence à groover là. Wax on fire. Emotional. Oh oh. Moi je reste sur mon texte. David Abelab and say. And Tom and Fan. Set him. I will never stay young. Sommeil écourté. le contrôle de ma destinée. La vie qui s'écoule dans le creux de ma main. Mon esprit s'égare, peur du lendemain. Je veux penser qu'à ce jour présent. J'ai besoin de tout reconstruire, effacer ces idées noires. Je ne veux plus me faire souffrir, j'ai vraiment besoin de toi. Manque une batterie. Parti sur son piano là. Luigi, un whisky s'il vous plaît. Je m'ai accoudé au piano. Luigi. Français, Luigi? Yes. Avec mon super anglais, it's necessary to play synchro. For the musician, you must follow the tempo with your piano. 2, 3, 4, 1, 2. Sinon, il y en a un qui part avec un autre instrument et le piano qui suit derrière. J'aime bien ce riff de guitare là. J'aime bien ce riff. C'est qui fait cette guitare là? Le jus de pomme. C'est toi le jus de pomme. J'aime bien ton rythme de guitare. Gérald, au revoir. Merci. À bientôt. Tintintin. Faut que j'aille me soigner. C'est une contrebasse, non? Ou une basse, une fretless, non? C'est dur de, des fois d'être synchro sur ce truc. Ça déconne un peu des fois. Je suis fatigué, j'ai mal à la gorge. Tiens, je vais essayer de brancher un petit piano. Thank you. Avec la batterie c'est mieux, ce serait plus sympa, c'est vrai. On pourrait chanter et danser avec une batterie, ce serait bien sympa. Avec le Claude François, oui, c'est le Claude François qui est revenu ce soir. Allez, 1, 2, 3, 4, have a lovely one and start to cap the mind. Have a new son of my kings, but in night I want you away. Voilà, c'est tempo, c'est bien ça. Some savvy girl, I will never say. Avec mon anglais pourri, I'll just spend a night. Couché à point d'heure, sommeil écourté, je perds le contrôle de ma destinée. La vie qui s'écoule dans le creux de ma main, mon esprit s'égare, peur du lendemain. Je ne veux penser qu'à ce jour présent, je ne peux plus réfléchir juste un instant. C'est plus fort que moi, je ressens le vide, la fin d'une histoire, mon visage sourire. Continuer la chanson, mais j'ai du mal à chanter, tu vois, parce que chez moi ça craque. J'ai besoin de tout reconstruire, effacer ces idées noires. Je ne veux plus me faire souffrir, j'ai vraiment besoin de croire. C'est décidé, je vais m'en sortir. Si tu veux encore profiter de moi, demain tu verras, on pourra partir. Oublier tout ça, je garde la foi. Je veux penser qu'à ce jour présent, ne plus réfléchir juste un instant. Je veux penser qu'à ce jour présent, ne plus réfléchir juste un instant. De toute façon, je n'ai plus le temps, la vie est si courte, je faut en profiter. Alors maintenant, je vis au présent, je ferai mieux de tout oublier. C'est décidé, je vais m'en sortir. Si tu veux encore profiter de moi, demain tu verras, on pourra partir. Oublier tout ça, je garde la foi. C'est bien, mais chez moi, malheureusement, ça craque parce que mon ordinateur déconne. Allez, je refais un petit refrain. Ah, ça craque, putain. Je veux penser qu'à ce jour présent, ne plus réfléchir juste un instant. Ouais, je vais essayer. Allez, on se la refera un jour. J'ai essayé. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air mieux là. Everyone starts to know.